Et je voudrais qu'on se plonge directement, donc on passe de 2015 à 1965, aux États-Unis sur les campus universitaires. En 1965, un article du Time nous explique que cette année, la personnalité littéraire sur les campus américains n'est autre que Frodo Baggins, une créature de 3 pieds de haut qui possède des poils sur ses pieds, une passion pour 6 vastes repas par jour et un nom improbable. On est en 1965, d'accord? En 1965, l'heure de John Royall Ronald Tolkien arrive d'Angleterre vers les États-Unis en version pirate. Le Seigneur des Anneaux, tout le monde le connaît ici, trilogie de Tolkien, publiée d'abord en Angleterre et puis aux États-Unis. Une œuvre qui connaît un succès relatif, certain, en Angleterre pendant une dizaine d'années, mais succès qui va connaître une véritable explosion pour des raisons, pour un problème éditorial, au début des années 60 aux États-Unis et en particulier sur les campus américains. J'aurais sans doute quelques petits problèmes d'affichage avec mon PowerPoint pour, voilà, c'est un petit problème technique, mais c'est pas grave, je vais passer par-dessus avec brio et passion. Parce que là, en fait, il y a des choses qui s'affichent derrière les images, mais je ne sais pas quoi. L'édition piratée, en fait, donc, arrive aux États-Unis. C'est une édition qui est de poche. C'est une édition de poche. Qui dit édition de poche dit édition bon marché. Et c'est pour ça que le public va répondre extrêmement présent à cette version du Seigneur des Anneaux. Au cours des années 60, aux États-Unis, il n'y a pas simplement le Seigneur des Anneaux en tant que tel qui constitue un phénomène culturel de plus en plus grandissant, mais il y a aussi le personnage de Gandalf pour lui-même, en lui-même, qui semble s'extraire de l'œuvre pour trouver une véritable autonomie au niveau culturel. Il y a des sectes spirituelles qui basent leur spiritualité sur le personnage de Gandalf. On trouve sur les campus de nouveau des pins, des badges. Go go Gandalf, Gandalf président. D'accord? Donc on a cette figure-là qui commence à connaître une véritable célébrité en dehors même de l'œuvre qu'il a vue naître. En 1961, pourtant, Philip Toynbee disait du Seigneur des Anneaux, ben, c'est une passade, c'est une œuvre qui va disparaître de nos souvenirs dans quelques années, on n'en parlera plus, et c'est très bien comme ça. On voit déjà dès 1965 que ce n'est pas le cas, on est 4 ans après 1961. Et le mouvement va s'amplifier encore au cours des années 60, 70 et 80, et donner naissance au genre fantasy. Donc ici, je résume un petit peu, mais donner naissance à un genre et comment? Eh bien, pour citer Michael Swanwick, qui est un critique, théoricien, essayiste américain, le succès du Seigneur des Anneaux a frappé l'industrie éditoriale avec la force d'une révélation. Au choix, elle créa ou démontra l'existence d'un public énorme pour la fantasy. Elle rapporta énormément d'argent, et les éditeurs, nombreux d'entre eux périlleusement proches de ne pas savoir du tout ce qu'ils faisaient, se précipitèrent afin de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui puisse combler cet appétit jusque-là insoupçonné. D'accord? Donc en amont et en aval, on va voir tout un travail de développement du genre fantasy autour de l'œuvre de Tolkien. En 2015, 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut constater? Le Seigneur des Anneaux est une œuvre majeure du XXe siècle, de la littérature du XXe siècle, publiée à 150 millions d'exemplaires, traduite en 30 langues. Et comme je vous le disais, c'est une œuvre qui va avoir un impact décisif sur la constitution du genre fantasy en tant que tel. Mais c'est aussi une référence centrale pour la culture contemporaine. Au-delà du domaine stricto sensu de la littérature, l'œuvre de Tolkien impacte la culture contemporaine. Si on prend uniquement en compte les adaptations du Seigneur des Anneaux, on a des adaptations cinématographiques avant Peter Jackson, un film d'animation, on a des jeux vidéo, des livres audio, des concerts, des comédies musicales, des jeux de société, d'accord, etc., etc. Donc on voit que c'est une œuvre qui est réinvestie, réactualisée sans cesse au fil des décennies dans l'espace culturel contemporain. Le personnage de Gandalf n'est pas en reste, donc je possède moi-même ce petit porte-clés qui m'a été offert généreusement. Mais c'est... la présence de Gandalf peut être discrète. On a ici un tatouage qui est la rune qui correspond à Gandalf. Des tatouages discrets, des tatouages moins discrets. D'accord ? On a vraiment un mode de présence qui peut être extrêmement varié. Une référence humoristique sur un mug, une référence plus politique. Une statue de Gandalf qui voyage, qui fait le tour du monde, prenant des clichés d'étape en étape. Ou une vraie personne déguisée en Gandalf qui suit les traces du magicien de fantasy. Des messages, simplement, des petits messages personnels de la vie privée. Ou bien des compagnies aériennes, Gandalf Airlines, qui a fait faillite, malheureusement. Des sondages montrent aussi l'importance de Gandalf. Gandalf, le magicien archétypique, prototypique, qui aurait pu être dépassé par les nombreux avatars et les nombreux épigones qui ont succédé dans les années 70, 80, 90. Pas du tout, Gandalf reste le magicien par excellence pour une large partie du lectorat de fantasy contemporain. Ici, les spectateurs de films donnent Gandalf largement devant Dumbledore, 44% contre 17%, en termes de magicien préféré des spectateurs. Stephen Colbert, dans les fights du Friday Night, posait la question « Qui gagnerait dans un combat, Dumbledore ou Gandalf ?» 68% de victoire pour Gandalf sur 40 000 votes quand même. C'est énorme, 40 000 votes. D'accord ? Donc on voit vraiment la popularité de cette figure dans la culture contemporaine. Pour comprendre ce succès, pour comprendre cette prégnance de la figure de Gandalf dans la culture contemporaine, il faut remonter au début du siècle, à 1917 en particulier. En 1917, Tolkien a environ 25 ans. Il faut bien savoir qu'il est orphelin. Donc Tolkien a perdu ses parents. D'abord, quand il avait 4 ans, il a perdu son père. Et puis il a perdu sa mère un peu plus tard. Il a été élevé par un prêtre catholique. Ce sont des points de repère très importants. Très jeune, il est passionné de philologie, il fait ses études à Oxford. Et puis, comme je vous le disais, en 1917, Tolkien a vécu déjà sa première guerre mondiale. En 1916, il combat sur la Somme avec ses amis du TCBS, donc le Tea Club Barovian Society, ses trois amis de jeunesse et puis d'université. Seuls Christopher Wiseman et Tolkien survivront, les deux autres périront sur le front. Et en 1917, sauvé par une fièvre dans les tranchées, il est alors en convalescence, puisque pendant ce temps-là, son bataillon est en train de se faire massacrer, sauvé par une fièvre, il est en convalescence, et il travaille sur son légendaire, il travaille sur sa matière, sur ce qui donnera plus tard les récits du Silmarillion, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, etc. De 1917, on peut faire un bond jusqu'à 1937. 1937, dans un trou du sol, vivait un hobbit. C'est par ces mots que s'ouvre le roman de Tolkien, Le Hobbit, un roman qu'il dessine à la jeunesse, parce qu'il l'a avant tout dédié à son fils, Christopher, qu'on voit ici sur l'image, à droite. C'est un livre qu'il dédie en premier lieu à son fils, Christopher. Et c'est dans ce livre-là que, pour la première fois, le lectorat découvre la figure de Gandalf. Je recherche quelqu'un pour partager une aventure. C'est la première vision qu'on a de Gandalf, ici dans une adaptation en bande dessinée, qui est bien ultérieure, bien postérieure. Que raconte le Hobbit ? Le Hobbit, c'est l'histoire du magicien Gandalf qui vient un jour chercher Bilbo pour vivre une aventure. Cette aventure, il va la partager avec des nains, 13 nains, menés par Thorin et Cul-de-Chêne, qui sont à la recherche d'un cambrioleur pour les aider dans leur projet. Leur projet consiste à quoi ? Aller récupérer le trésor volé par le dragon Smaug dans la montagne Erebor au loin. Le Hobbit et la compagnie de nains se mettent en route, accompagnés par Gandalf, et finiront par atteindre leur lieu de destination, à vaincre Smaug, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que dans cette histoire, Bilbo va récupérer un anneau précieux qui permet de rendre son porteur invisible. Bilbo, qui ne se doutait de rien, ne vit ce matin-là qu'un vieillard appuyé sur un bâton. L'homme portait un chapeau bleu, haut et pointu, une écharpe grise de même couleur par-dessus laquelle, sa longue barbe blanche descendait jusqu'à la taille, et d'immenses bottes noires. On voit ici les premières caractéristiques de Gandalf qui seront définitoires par la suite, apparaître. Sa capacité à aller chercher les gens pour leur proposer une aventure qui va les changer intérieurement. Son sens de l'humour, sa promptitude à la colère, qu'on retrouvera dans Le Seigneur des Anneaux également. Et puis le caractère mystérieux qu'il prend pour les hobbits, dans la mesure où eux ne sont que très peu au courant de ses faits et gestes en dehors de leur petit monde de hobbits. Si on se penche sur les origines extra-textuelles, extra-fictionnelles de Gandalf, on peut mettre en évidence une double tradition. La première, c'est celle de la mythologie scandinave, en particulier de l'Edda poétique. On est, comme je le dis, dans le patrimoine culturel, le patrimoine littéraire germanique scandinave. Et en effet, dans la Völuspá, donc le poème de la voyante qu'on trouve dans l'Edda poétique, on trouve ce qu'on appelle le catalogue des nains. Et dans ce catalogue, on trouve Ori, Dori, Fili, Oin, Gloin, Bifur, Bafur, Bombur, d'accord, tous les nains qu'on trouve dans le Hobbit, sont issus de cette liste. Et puis dans cette liste, on trouve un nom en norrois, Gandalf. Et Gandalf, en norrois, c'est constitué de deux parties. La première, Gander, qui veut dire le bâton, la baguette, et le deuxième, Alf ou Alfr, qui veut dire l'elfe. L'elfe, c'est un esprit divin protecteur. Et donc ça donne un aperçu de la poétique tolkienienne. Tolkien tombe en philologue sur ce document, une liste de nains. Et dans la liste des nains se trouve un nom qui veut dire « elfe au bâton ». La poétique tolkienienne se base toujours sur ce substrat linguistique. Tiens, qu'est-ce que ce nom fait là ? Bien, probablement que ça signifie qu'il y avait là quelqu'un avec des pouvoirs elfiques, qui accompagnait des nains dans une aventure. Et donc, de quelle aventure s'agit-il ? Je vais l'écrire moi-même. L'autre référence importante quand on cherche à découvrir les origines de Gandalf, c'est le Berggeist, donc l'esprit de la montagne. C'est une figure du folklore germanique, mais en particulier, c'est une carte postale que Tolkien découvrira en vacances. Je pense que c'était des vacances en Suisse. Et c'est cette carte postale qui va constituer l'origine de Gandalf. D'ailleurs, il a gardé, donc c'est cette carte postale-là, visuellement, et dans le lien avec la nature, c'est cette carte postale qui lui a donné cette idée de Gandalf, et qu'il a ensuite articulé avec le texte de l'Edda poétique. Si on fait un bond supplémentaire, on passe de la fin des années 30 aux années 50, on assiste à la publication du Seigneur des Anneaux, comme je vous ai dit, 54-55, 14 ans de réflexion, de maturation, d'écriture, mais qui débouche sur une œuvre qui n'a plus rien à voir avec le Hobbit. À la base, c'était censé être une suite au Hobbit, on lui avait demandé encore une histoire de Hobbit, et l'œuvre, dit-il, a échappé complètement à son contrôle. Le ton est plus grave, plus sombre, comme je l'indique ici. Il est pris d'une méditation sur l'existence humaine. Donc c'est pas simplement une aventure pour enfants, un livre pour enfants, c'est plus du tout un livre pour enfants, en tout cas à ses yeux. Michael Swanwick, écrivain théoricien anglo-saxon, est bien d'accord et estime que Le Seigneur des Anneaux est non seulement la meilleure histoire d'aventure jamais écrite, mais aussi le livre le plus triste du monde, un récit dans lequel chacun est en train de perdre tout ce à quoi il tient par-dessus tout. On retrouve dans le Seigneur des Anneaux la tradition du romance anglais médiéval, en tout cas, qui s'oppose au novel ou au roman tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans la mesure où il intègre énormément d'éléments merveilleux, d'accord, symboliques, mais merveilleux dans le sens, par exemple, de figures prototypiques, de figures idéales ou idéelles. D'accord ? On a par exemple les hobbits, les elfes, les hommes, chacun cristallise, chacun incarne une certaine dimension de l'existence humaine. D'accord ? Donc on n'est pas dans une perspective réaliste où le but est de rechercher la vraisemblance. Mais d'un autre côté, Tolkien articule cette perspective du romance avec les procédés du réalisme littéraire. Raison pour laquelle on parle toujours de réalisme pour Tolkien, à quel point son univers est décrit de manière minutieuse, réaliste, etc. Pour comprendre le succès du Seigneur des Anneaux au XXe siècle, il faut comprendre la manière dont il réintègre, dont il refigure les traumas, les bouleversements qu'a subi le XXe siècle. Comme le dit Verlaine Flieger, qui est une des plus grandes spécialistes de l'œuvre de Tolkien, la technologie se développa plus vite que la société ne pouvait la suivre, passant dans un même siècle de la plume à l'ordinateur, des lampes à pétrole et des diligences, au laser et aux navettes spatiales. Par-dessus tout, le siècle est brisé par la Première Guerre mondiale, une nouvelle espèce de guerre, dévastatrice, dont les 4 années creusèrent de profondes tranchées dans la conscience européenne et changèrent à jamais une culture et un monde. On voit que Tolkien fait de ces phénomènes une expérience intime, personnelle. Il perd ses amis sur le front. L'industrialisation ravage les paysages de son enfance. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver très fortement dans son œuvre et lui donner ce caractère un peu pessimiste. Que raconte le Seigneur des Anneaux ? On est en terre du milieu, à la fin du troisième âge. La comté est en vert, la Foncombe est en bleu, et j'ai mis la Orodruin, donc le Mount Doom, en orange. On est en terre du milieu, à la fin du troisième âge. Bilbo, donc le héros de la première aventure, organise sa fête d'anniversaire. Il décide de quitter la comté et de laisser l'anneau qu'il a trouvé, à son neveu Frodo. Gandalf rapidement va se rendre compte que cet anneau n'est autre que l'anneau unique, l'anneau de pouvoir de Sauron, que celui-ci cherche à récupérer, parce qu'il s'est rendu compte de sa présence dans la comté, il cherche à le récupérer pour étendre sa domination sur la Terre du Milieu. Frodo va donc partir, il va quitter la comté avec Sam, Merry et Pipin, il n'y a peut-être pas besoin de les présenter davantage, 4 hobbits, qui vont donc quitter la comté pour rejoindre Foncombe, ou Fandeval dans la nouvelle traduction, pour rejoindre Foncombe avec l'anneau pour demander conseil aux sages, et notamment à Elrond. Que faire de cet anneau ? À Foncombe, une communauté va être constituée, une fraternité va être constituée, et il va être décidé d'essayer de détruire l'anneau unique en le jetant dans les flammes de la montagne du destin. Donc la communauté est constituée de personnages qui proviennent des différentes races des peuples libres de la Terre du Milieu, hommes, nains, elfes, hobbits, plus Gandalf évidemment, leur guide et leur mentor. Le Gandalf du Seigneur des Anneaux n'est pas le même Gandalf que celui que le lecteur découvre dans Le Hobbit. Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux, a subi un changement de stature manifeste. On y reviendra, je vous donnerai un exemple un peu plus loin. Non seulement il a subi un changement de stature, mais ce changement de stature est expliqué, est détaillé par le Seigneur des Anneaux lui-même et par des livres comme Le Silmarillion. Gandalf y apparaît comme un Istari. Un Istari, c'est-à-dire un des Maillards, alors je vais revenir sur ces noms, un des Maillards qui ont été envoyés en Terre du Milieu par les Valar pour contrer l'avancée de Sauron. Les Valar sont ce qui correspond plus ou moins dans le panthéon tolkienien aux divinités qui sont descendues dans la création. D'accord. Les Maillards sont leurs servants. Gandalf est un Maillard. Sauron est un Maillard aussi. D'accord. Sauron étend sa domination sur les terres du milieu, les Valar, les divinités, décident donc d'envoyer à la rescousse 5 Maillards, 5 mages, les Istari, les sages, qui correspondent, selon les mots de Tolkien lui-même, à des angelos, à des anges au sens premier du terme, donc des émissaires, des messagers en terre du milieu pour aider les peuples contre Sauron. Ils sont au nombre de 5, vous les reconnaissez, donc ceux sur le côté, j'oublie tout le temps leur nom, je crois que c'est Alastar et Palando, quelque chose comme ça. Eux, on n'en parle pratiquement pas dans le Seigneur des Anneaux, ni dans le Silmarillion, ni dans les 12 volumes de l'histoire de la Terre du Milieu. Ils partent dans l'Est et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Au centre, vous avez Saruman, le blanc, qui est le chef de cet ordre, plus ou moins. Sur la droite, vous avez Gandalf, évidemment, et de l'autre côté, Radagast, qui a été représenté dans le film Le Hobbit comme complètement fou et tiré par un traîneau à lapin, je crois. Oui, c'est ça. Oh. Bref. Gandalf conserve ce caractère mystérieux qu'il a acquis dans Le Hobbit. Pourquoi un personnage mystérieux ? Hey, reviens à slide. Oh. Pour les mêmes raisons, donc, on est toujours dans la perspective, dans le regard qu'on adopte, c'est celui de la perspective des hobbits. Gandalf s'en va très souvent. Il est souvent sur le chemin, sur la route. Il ne détaille que très rarement ses pensées. Donc, il s'exprime par bribes, il s'exprime par morceaux de discours. Il vient, il repart. Donc, on n'a pas vraiment. Tout ce qu'on connaît de Gandalf au début du Seigneur des Anneaux, ce sont ses capacités d'artificier. D'accord, il vient dans la comté faire des feux d'artifice dans les fêtes, etc. Donc au début, on épouse un peu le regard des hobbits par rapport à ce personnage. On sait effectivement, comme je viens de vous le dire, que c'est un personnage, un voyageur infatigable. Raison pour laquelle il a acquis, au cours de sa longue existence, toute une série de noms. On l'appelle Gandalf dans le nord, de la Terre du Milieu. Mithrandir, le pèlerin gris, notamment chez les elfes, Tarkun chez les nains, Incanus dans le sud. La plupart de ces mots sont liés à sa fonction de pèlerin, de guide, ou bien de porteur de bâton. D'accord ? On retrouve cette étymologie Gandalf que Tolkien lui-même avait cherché à comprendre dans l'Edda poétique. C'est aussi une figure odinique. On rapproche souvent Gandalf de Merlin. Gandalf est beaucoup, beaucoup plus proche de la divinité scandinave Odin. Odin porte, comme Gandalf, un chapeau souple à large bord, il possède une longue barbe, il s'appuie sur un bâton, c'est une personne âgée qui s'appuie sur un bâton et qui porte un grand manteau de voyage. Et c'est une figure divine, Odin, d'accord, c'est une figure divine qui prend l'apparence d'un vieillard lorsqu'elle quitte le royaume divin, donc Asgard, pour descendre en Midgard. Donc Midgard, qui se traduit comment ? Comme terre du milieu. D'accord ? Donc on voit à quel point l'œuvre de Tolkien s'inscrit dans la matière scandinave germanique davantage que européenne, latine ou grecque. On a aussi ici des représentations qui sont des représentations de Odin. D'accord ? Des représentations populaires qui ont 250 ans et qui ont 100 ans pour la deuxième. Donc c'est des représentations qui sont extrêmement proches de ce à quoi on a été habitué avec Gandalf. Ici, on a une des plus fameuses représentations de Gandalf, celle de John Howe. Mais on retrouve tous les éléments, d'accord ? Ce pèlerin avec le bâton, la barbe, le chapeau, le manteau de voyage, qui sera la représentation iconique de Gandalf. Petite parenthèse qui n'a rien à voir, il faut savoir que dans le film, Gandalf, donc joué par Ian McKellen, il a la voix de Gandalf, puisque Ian McKellen s'est basé sur les enregistrements de Tolkien qui expliquait lui-même comment parlait Gandalf, pour adapter ça à son personnage dans le film. Donc le Gandalf du film parle comme Gandalf. Je reviens à mon propos. Par rapport à Odin, toutefois, il y a une petite distinction à faire, et une distinction qui porte sur le plan moral. Odin est un personnage ambivalent, comme beaucoup dans la mythologie scandinave, on pense à Loki, notamment le dieu trickster. C'est un personnage ambivalent qui peut être destructeur, malveillant, ou au contraire protecteur et bienveillant. Tolkien va scinder ça dans son univers, dans sa mythopoétique, d'accord, en deux personnages. D'un côté, Sauron, et de l'autre côté Gandalf. C'est-à-dire que on a une sorte de monovalence, on a une sorte de scission de cette polarité en deux personnages distincts qui vont s'opposer mais qui restent liés, on va le voir, notamment dans la symbolique du feu. Lorsqu'il arrive en Terre du Milieu, Gandalf reçoit l'anneau elfique Narya, qui est l'anneau de feu. D'accord ? Dès le début du livre, Gandalf est connu pour ses feux d'artifice. On utilise le feu pour le divertissement. On se sert du feu pour éclairer dans l'obscurité, en contraste avec Sauron, qui se sert du feu pour détruire, pour consumer. Et on retrouve ici une sorte de temporalisation spécifique, de passage du mythe à l'histoire, qu'on peut suivre comme je vous l'ai inscrit ici, c'est-à-dire qu'on part d'un univers mythique, mythologique, les Valar, les divinités, Morgoth, Melkor, le Seigneur Sombre, qui est une relecture de la chute de Satan, et Manwë de l'autre côté, chacun est servi par un maillard en particulier, Gandalf pour Manwë, Sauron pour Morgoth ou Melkor. Et on voit qu'à chaque fois, on perd en netteté. Melkor, c'est le mal absolu. Sauron, c'est une incarnation du mal en Terre du Milieu, participant dans notre monde à tous. Si on descend encore d'un niveau, au niveau des hommes, on aura Aragorn contre Denethor, par exemple, où, d'un point de vue éthique, moral, la notion du bien et du mal commence à devenir... Elle est toujours stable, mais elle commence à se déliter. Et puis les hobbits, Bilbo et Lotho. Et en fait, tout ça pour dire quoi ici? Pour dire que Gandalf, on a parfois accusé Tolkien de manichéisme, mais ce sont des figures mythiques qui sont censées incarner ces pôles, ces polarités, entre lesquelles l'humanité a à agir et à se situer. D'accord? Ce sont des esprits divins, on est dans une perspective mythique ici encore. Alors normalement, à l'arrière-plan, je vais vous expliquer. Ici, c'est pour faire une petite différence entre le Gandalf du Hobbit et le Gandalf du Seigneur des Anneaux. Le Gandalf du Hobbit est un Gandalf qui craint, qui redoute les loups. Si vous vous souvenez, il y a cet épisode où ils montent tous dans les conifères. Gandalf enflamme des pommes de pin pour les jeter aux loups. Et on a ici le Gandalf du Seigneur des Anneaux. Bon, il manque un peu de son, mais... qui affronte un Balrog, sachant que le Balrog est un Maia lui aussi, donc c'est-à-dire une divinité servante des Valar. Donc c'est un démon de l'ancien temps. Voilà, donc c'est clairement plus le Gandalf qui a peur des loups du Hobbit. On voit ce changement de stature très important. C'est une scène, évidemment, qui est iconique. C'est une scène qui a été prise encore et encore, qui a été récupérée, réactualisée. Particulièrement celle-là. Donc voilà, c'est une scène qu'on retrouve encore et encore dans la culture contemporaine, qui est vraiment emblématique, et qui est emblématique de quoi? De la lutte de Gandalf contre Sauron. Et en même temps, pas tout à fait. Parce que, à bien y regarder, le combat contre le Balrog... Gandalf sauve Faramir deux fois. Voilà. Donc quand on y regarde, en termes de confrontation, en termes de combat, de lutte, sur les 1200 pages que compte le Seigneur des Anneaux, Gandalf fait peu usage de sa force, peu usage de son pouvoir. Et je voudrais continuer ici en répondant à des traits d'humour qu'on trouve fréquemment sur Internet et qui abordent justement cette question-là. La fameuse question des aigles, on reproche à Gandalf d'avoir complètement oublié qu'il pouvait, au lieu de les faire marcher jusqu'en Mordor, les emporter sur des aigles et aller les déposer là-bas. La critique selon laquelle c'est un mage puissant, mais qui n'utilise pas sa magie puissante. Et toutes les critiques qu'on retrouve rassemblées ici, il a de la magie, il ne l'utilise pas, il a des amis aigles, il les appelle pas avant la fin, il commence une quête et il laisse ses amis en plein milieu. Gandalf est une enflure. ce sont des clins d'œil qu'on retrouve fréquemment sur Internet, mais qui sont pas inintéressants. Comme le dit Gandalf lui-même, son but était d'être, de contrer les plans de Sauron. Il dit « j'étais l'ennemi de Sauron ». Mais que signifie contrer, contrecarrer, contrebalancer le pouvoir de Sauron? Est-ce que ça signifie opposer le pouvoir au pouvoir? C'est pas l'approche que prend Gandalf, ce n'est pas l'approche des mages, des Istari, en tout cas c'est pas celle, c'est pas la consigne qui leur est donnée. À la domination et la soumission, qui sont les signes du mal dans l'univers tolkienien, Gandalf oppose la guidance, le conseil et le libre arbitre. Ça permet d'expliquer les passages suivants. Denethor avait en fait beaucoup plus que Gandalf l'apparence d'un grand mage. Il était plus royal, plus beau, plus puissant et plus âgé. Cependant, et c'est important, par quelque autre sens que la vue, Pipin apercevait que le plus grand pouvoir et la sagesse la plus profonde, ainsi qu'une majesté voilée, appartenaient à Gandalf. De manière symétrique, quand on lit l'extrait suivant, je vais vous le lire d'abord. « Dans la lumière vacillante du feu, Gandalf parut soudain grandir. Il se redressa, grande forme menaçante, semblable au monument de quelque ancien roi de pierre dressé sur une colline. » Ce qu'on sent ici, ce qu'on voit, c'est que la puissance de Gandalf est une puissance incarnée dans un corps banal, il est incarné en Terre du Milieu, sa puissance est limitée, elle est limitée volontairement. Les mages sont envoyés en Terre du Milieu avec comme consigne de ne pas utiliser leur puissance. Leur puissance est limitée en Terre du Milieu. À la domination et à la soumission qui suivent le pas très souvent à l'exercice du pouvoir, de la puissance sur autrui, Gandalf préfère le soin, le care et la protection. Toutes choses de valeur qui sont en danger dans le monde tel qu'il est à présent, voilà mon souci. Et pour ma part, je n'échouerai pas entièrement dans ma tâche, même si Gondor devait périr, si quelque chose franchit cette nuit qui puisse encore croître en beauté ou porter de nouveaux fleurs et fruits dans les temps à venir. Car moi aussi je suis un intendant. Ne le saviez-vous pas ? Ce que ces extraits permettent de commencer à voir, c'est que dans l'univers tolkienien, et dans la figure de Gandalf en particulier, les aspects matériels et éthiques sont indissociables. Par matériel, je veux dire pragmatique, réel, militaire, si on parle de combat, sont indissociables. Utiliser un pouvoir de domination, un pouvoir militaire, un pouvoir de domination d'une force sur l'autre, l'utiliser ce pouvoir-là contre Sauron, c'est peut-être abattre Sauron, mais c'est devenir Sauron. Et donc, on peut imposer sa volonté pour protéger l'autre, on peut imposer le pouvoir de l'anneau à Sauron, l'obliger à fuir la Terre du Milieu, l'obliger à périr, mais pour le remplacer par une puissance plus dangereuse encore, parce que certaine du bien qu'elle manifeste. C'est le cas, par exemple, de Galadriel, qui dit « j'ai passé le test, j'ai refusé l'anneau ». Gandalf refuse l'anneau. « Avec ce pouvoir, j'en aurais un trop grand et trop terrible. Et sur moi, l'anneau gagnerait un pouvoir encore plus grand et plus mortel. Ses yeux jetaient des éclairs, son visage était éclairé par un feu intérieur. Ne me tentez pas, car je ne souhaite pas devenir semblable au Seigneur Ténébreux lui-même. Pourtant, et c'est important, le chemin de l'anneau vers mon cœur passe par la pitié pour la faiblesse, et le désir de la force pour faire le bien. Ne me tentez pas. Je n'ose le prendre, pas même pour le garder en sûreté, inemployé. Le désir de l'utiliser serait trop grand pour ma force. » On retrouve ici en filigrane les événements qui se produisent avec Boromir, Saruman, Denethor. Boromir n'est pas un... Et là, le film a peut-être un peu forcé le trait. C'est pas un méchant qui a soif de pouvoir. Non, c'est quelqu'un qui veut sauver le monde qu'il aime, en utilisant le pouvoir qui lui est offert. Retourner le pouvoir de Sauron contre Sauron. Détruire Sauron. Le seul moyen de vaincre militairement Sauron, et c'est dit textuellement dans le texte, c'est d'utiliser l'anneau contre lui. Et qu'est-ce qu'on donne comme consigne ? Détruisez-le. Boromir veut faire le bien. C'est la tentation du bien qui le fait vouloir prendre l'anneau à Frodon. Mais en ce faisant, il impose sa volonté à Frodon, il est prêt à violenter Frodon, à lui prendre de force. Et donc on voit que voulant faire le bien, déjà il s'engage sur le passage qui le mènera au mal. Je sais pas si je suis... Ouais, ok, ça va, je vois des hochements de tête. Et c'est une distinction très importante entre Gandalf et un des autres grands magiciens de la tradition occidentale, qui est Merlin. Chez Mon Moth et Mallory, par exemple, Merlin, c'est un personnage trouble. Trouble, pourquoi ? Parce que c'est le fils, déjà, à la base, c'est le fils d'un démon et d'une humaine. Donc il a cette polarité en lui, il a cette double orientation en lui. Mais pour Merlin, c'est le destin qui prime. La fin justifie les moyens. On fera ce qu'il faudra pour arriver à nos fins. Et s'il faut se transformer et tromper les gens en se faisant passer pour eux, et s'il faut utiliser des filtres magiques, pas de problème. Chez Tolkien, au contraire, et c'est pour ça que la figure de Gandalf est extrêmement différente de celle de Merlin, c'est qu'il y a une indissociabilité de la fin et des moyens. La victoire matérielle est indissociable de la victoire spirituelle. Une victoire matérielle sans victoire spirituelle constitue une défaite. Et c'est un des enseignements que Gandalf essaye d'apporter au peuple libre de la Terre du Milieu, à la communauté en particulier. Comment comprendre autrement ce passage du livre ? Et je suis d'ailleurs surpris de voir que les gens le lisent souvent, bah oui, oui, pas de problème, alors qu'en fait, il y a quelque chose de vraiment particulier dans ce passage-là, une espèce de contradiction interne qu'on ne peut comprendre qu'à la lumière de ce que je viens d'essayer d'expliquer. Pauvre Boromir, ce fut une cruelle épreuve pour un tel homme, un guerrier et un seigneur des hommes. Galadriel m'avait dit qu'il était en danger, mais il en a réchappé en fin de compte, j'en suis heureux. Ce n'a pas été en vain que les hobbits nous ont accompagnés, fût-ce seulement pour Boromir. Boromir est mort, les hobbits ont été enlevés, d'accord ? Son plan a échoué, il n'a pas récupéré l'anneau, il a brisé la communauté de l'anneau qui s'est diffractée en tous sens, il a perdu la vie, et en essayant de sauver des hobbits qu'il n'a pas pu sauver puisqu'ils ont été enlevés par les ordos. Comment dire, comment comprendre qu'il en a réchappé en fin de compte ? Comment comprendre qu'il n'a pas été vain que les hobbits les ont accompagnés ? Si ce n'est parce que l'importance ici n'est pas la victoire militaire, mais la victoire morale qui doit habiter. Il ne s'agit pas ici de faire la distinction, une opposition, et de dire « il n'y a pas de victoire militaire à avoir, laissons-nous envahir par Sauron, laissez-nous détruire ». Non, non, pas du tout. Mais l'un sans l'autre est inconcevable si l'on se situe du côté du bien. D'accord ? Et c'est pour ça que, je pense que je l'ai mis plus tard, mais c'est pour ça que Tolkien estimait que dans le monde réel, les guerres ne sont jamais gagnées. Parce que des exactions, parce que des atrocités, parce qu'on impose sa volonté, parce qu'on détruit l'autre, etc. Et on trouve dans Le Seigneur des Anneaux cette même citation, la victoire ne peut pas être accomplie par les armes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre, ça veut dire que ça ne suffit pas. Une victoire sans cette dimension n'est pas une victoire. Et donc, une des missions principales de Gandalf, c'est de mettre en garde les différents personnages contre l'exercice du pouvoir, contre la tentation d'exercer le pouvoir pour faire le bien. Parce que la frontière est extrêmement fine entre l'exercice du pouvoir pour le bien et la domination de l'autre. Quelle pitié que Bilbo n'ait pas poignardé cette vile créature quand il en avait l'occasion, dit Frodo quand Gandalf lui explique les méfaits de Gollum. Quelle pitié ? Mais c'est la pitié qui a retenu sa main. La pitié et la miséricorde. Ne pas frapper sans nécessité. Et il en a été bien récompensé, Frodo. Soyez assurés que, s'il fut si peu atteint par le mal, ce fut parce qu'il avait commencé sa possession de l'anneau de cette façon, avec pitié. Et on peut faire le lien avec Sméagol, qui commence exactement dans une perspective opposée, d'accord ? Qui commence sa possession de l'anneau par un meurtre, par le désir de prendre l'anneau à l'autre. D'accord ? Voulez-vous donc dire que vous et les elfes, vous l'avez laissé vivre après tous ces horribles faits ? Il mérite la mort. Il la mérite, je crois bien. Nombreux sont ceux qui vivent et qui méritent la mort. Et certains qui meurent méritent la vie. Pouvez-vous la leur donner ? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser la mort en jugement. C'est une des citations les plus célèbres du Seigneur des Anneaux qui récapitule vraiment toute la position de Gandalf par rapport à ces questions d'éthique. Une autre de ces citations qui est vraiment liée à celle que je viens de vous proposer. Le véritable courage, c'est savoir Ce n'est pas savoir quand prendre une vie, mais quand épargner une vie. Gandalf constitue donc le guide moral, spirituel, peut-être même avant même d'être chef ou meneur d'hommes, avant même d'être un combattant, un guerrier. Un guide moral qui parvient à réconcilier trois tensions, que j'ai pas le temps de développer ici, mais trois tensions qui habitent l'être humain confronté à la question du mal, de la destruction. La tension entre le pessimisme, laissons-nous faire, tant pis, ça sert à rien, on a perdu. Le pacifisme, on va pas se défendre, on va pas entrer là-dedans. Et l'héroïsme, à la guerre, détruisons l'ennemi. D'accord, trois, qui sont incarnés aussi de nouveau par exemple Théoden qui incarne l'héroïsme, etc., etc. Gandalf parvient à réconcilier ça à travers une vision unique, une vision qui propose aux personnages qui sont sous sa responsabilité. Et c'est une vision qu'il applique lui-même, l'utilisation de la magie, par exemple on disait Gandalf utilise peu la magie, oui, comme acte de domination, comme acte de coercition, mais il utilise volontiers la magie pour un acte libérateur, comme il le fait avec Théoden justement, Théoden qui est sous l'emprise de Grima et de Saruman à travers lui, qui libère de cette emprise, et les premiers mots de Théoden seront « il ne fait pas si sombre ici ». D'accord, il lui redonne la vue, il permet à Théoden de recouvrer la vue. Et qui dit recouvrer la vue, dit recouvrer son libre arbitre, pouvoir voir et choisir par soi-même. Si on continue à creuser dans cette optique, on peut aussi mettre en contrepoint Gandalf et Saruman. Saruman incarne pour Tolkien les dangers du relativisme moral. Justement, la frontière entre les deux, entre le bien et le mal, la frontière est tellement fine qu'il est très facile de glisser de l'un à l'autre sans même s'en rendre compte en pensant faire le bien, par exemple. C'est le cas de plusieurs personnages dans le livre. Regardant alors, dit Gandalf, je vis que ces vêtements qui m'avaient paru blancs ne l'étaient pas, mais qu'ils étaient tissés, de toutes couleurs. Et lorsqu'il bougeait, il chatoyait, il changeait de teinte, de telle sorte que l'œil était confondu. L'œil n'arrive plus à voir, on n'arrive plus à savoir. Je préférais le blanc, dis-je. Le blanc, fit-il d'un air sarcastique. Oui, le blanc, ça sert au début. Un tissu blanc, on peut le teindre. On peut couvrir la page blanche d'écriture. Quant à la lumière blanche, elle peut être brisée. Auquel cas, elle n'est plus blanche, dis-je. Il faut bien ici garder à l'esprit ce que sont censés représenter les Istaris, ce que sont censés représenter ces forces en terre du milieu. Ce sont censés être les pôles, Sauron, Gandalf, Sauron, Saruman à la base, les pôles entre lesquels l'action humaine doit choisir, doit se situer. Ce sont les pôles extrêmes de l'éthique. Lorsque ces pôles se dissolvent, lorsque ces pôles eux-mêmes disparaissent, alors pour Tolkien, on entre dans un terrible danger qui est celui du relativisme moral absolu. Tout se vaut, donc rien ne vaut. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Le dernier point que je voudrais aborder, et je fais référence ici à l'image que je vous ai montrée avec la critique de Gandalf qui n'utilise pas les aigles, c'est précisément ce refus d'utiliser la magie, ou d'utiliser des aigles d'ailleurs, ou tout autre moyen de transport pour aller rapidement à l'Orodruin, c'est que le but de Gandalf, et je viens de vous le dire ici avec Théoden, rendre la vue claire à Théoden, lui permettre de faire ses propres choix. Proposer le bien, ne pas imposer le bien, proposer une voie, et laisser libre de la choisir. Mais laisser libre de la choisir, ça implique de laisser les personnes agir par eux-mêmes. Le voyage de Frodo et de ses compagnons n'aurait aucun sens. Leur victoire morale, donc je vous parlais de victoire morale et victoire militaire, leur victoire morale n'aurait aucun poids, aucun sens s'ils avaient été transportés directement par-delà les obstacles à affronter. Et dès lors que Pour Gandalf, la victoire morale est supérieure en termes d'importance à la victoire militaire. De toute façon, la victoire militaire, la mort est toujours au bout du chemin. C'est pas ça qui va compter. C'est comment on va se tenir, nous, dans l'existence. Et c'est ça qui compte, c'est ça qu'il propose aux hobbits, c'est ça qu'il propose à la communauté. Donc il n'a aucun intérêt à leur supprimer le chemin, à leur supprimer les épreuves face auxquelles il faudra faire des choix. Il n'y a aucune raison de le faire. Ça serait privilégier la victoire militaire sur la victoire morale et sur l'enseignement qu'il est censé apporter aux hobbits, notamment. Et c'est une grande différence par rapport, et je terminerai là-dessus à mon avis, c'est une très grande différence avec la plupart des héros de fantasy qui ont suivi Tolkien dans les années 70-80. Que sont les héros de fantasy des années 70-80? Et ça va de Garion, à Pug, d'accord, c'est des personnages qui rencontrent un mentor, qui peut être un magicien, oui, mais un mentor qui va leur révéler un destin extraordinaire. Ce sont des futurs rois, ce sont des gens qui ont des pouvoirs incroyables, qu'ils vont pouvoir développer. Pas du tout ici. Ici, ce que Gandalf cherche à développer au cœur de des personnages, c'est quelque chose qui s'y est toujours trouvé. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Frodo ne devient pas roi du monde, Frodo ne devient pas un mage puissant. Frodo reste qui il est. Gandalf ne fait qu'une chose, c'est le placer devant une aventure, le placer devant des situations qui vont pouvoir révéler ce qu'il a déjà en lui à l'intérieur. Et quand je dis lui révéler, de nouveau, il s'agit pas de lui imposer des choix. Tu dois ceci, je vais t'imposer le bien, je vais t'imposer ma voix. Non, pas du tout. C'est un pouvoir de suggestion, de conseil que celui de Gandalf. Et je terminerai là-dessus, sur ce dernier extrait, qui est sans doute le plus célèbre du Seigneur des Anneaux. En faisant de la sorte, Gandalf laisse aux personnes qu'il conseille leur libre arbitre et leur capacité à choisir, c'est-à-dire les place devant une responsabilité. La responsabilité de la victoire physique n'est pas la leur. La mort est au bout, le monde n'est que... Tolkien a une vision du monde pessimiste, d'accord, le temps est destructeur, de toute façon, la victoire physique, c'est pas ce qui compte. Mais la victoire morale, elle est à portée, et il appartient à chacun de savoir la saisir. Et c'est sur cette dernière citation que je clôturerai aujourd'hui. « J'aurais voulu que cela n'ait pas arrivé de mon temps, » dit Frodon. « Moi aussi, » dit Gandalf, « et il en va de même pour tous ceux qui vivent en de tels temps. Mais la décision ne leur appartient pas. Tout ce qui nous appartient de décider, c'est ce que nous comptons faire du temps qui nous est imparti. » Je vous remercie.